Je t'aime si fort, mon amour. Aimer devrait s'écrire avec des M. Avec des M. Passi mama is okin pota ye. Souffrance langue est tangisi. Moi mi so. Chagrin langue est comico. Senga la paix. Chemin de la croix nanga ye louti ye si. Amour na ye zala ki moi sempe sendarie. Zongi selanga ta jour ma kora ya la joie. Amigo, amigo, kawa, kawa, suspiré. Yo moko, me sani sanga, ma bizo. Que la si okoti sakina ya tendresse. Yo moto, longo la kanga, ma poseo. Yo moko, longo la kanga, ma pinzolie. Na ya kinda moko, mi sakina, mo bimba e. Il a mai si paka cicatrice ya soko uzoto e bomaka elembo ya motema ma poco e comico le ma come ma moku ya katu bolimo ya yo nangai e kota makila loko la poison katu amou nazali wayo toujours. Na bonangai, kosi sa koza la esclave na yonkatu. Amilo, amilo, kawa sango, pandae, yeah. Oui, kasson. Poison, kato amou, mazali wayo toujours na bonangai, kosi sa koza la esclave na yo kato. Amilo, amilo, kawa, kawa, soucié. Amilo, amilo, kawa, kawa, netoye. Monica Kamama na Koko Sondela et Miami ou même encore Floride. Mambo, let's go. Kozwa kangate escalera. ngai destination ngai izali yo c'est écrit nzamba pona yo Le bufango ilunulini obana baba maziku yakosi sobo mangano emananga ya suka ya konzo fele si metere pesa na chama molenzo ndati ya mo mama deo yaya daida Nagi Sharufa, Malata Masikini, la reine Aminata, Malou Bomboka, Jamo Tingia, Boebi Sava Petiango, Kokene Liboso Eza Koko Mate. Bino Boebi Kate, Boebi Sakibino Avant. Papa, si vous voyez mon côté, papa plus plus, équipé pour la terre, qui dort encore. Didi Kinsala, belle vedette.